Dis fait côte mon voisin, tout voisin barré pour t'en dis fait. Sola mi let y descend, tout dit mon itaye pas capable barré. La chasseur! Dis fait côte mon voisin, tout voisin barré.